C'est des coquillages. On entend la mer. Bienvenue sur Radio Cresson. Radio Cresson. Radio Cresson. Bonjour à tous, il est 15h12 et on est en direct du plateau radio de l'école d'architecture de Grenoble. C'est bientôt le week-end, le ciel est bleu, les oiseaux sifflent. Quel contexte merveilleux pour écouter votre émission radio préférée du vendredi, l'urbanisme en parole. Aujourd'hui, le programme est chargé, on a 5 gros invités, des équipes d'urbanistes en devenir qui nous viennent tout droit de l'Institut d'urbanisme de géographie alpine. Le thème du jour, c'est les paysages sonores, en s'intéressant notamment aux vivants autres qu'humains en ville. Alors moi, j'ai tout de suite été interpellé. Quand je pense aux paysages, je pense aux photos, aux cartes postales, à Grenoble, aux œufs, la Bastille, les Trois Tours, et évidemment, les montagnes. Tant de choses qui n'émettent pas de son, et pourtant, nous sommes sur une radio. Aucun visuel, que du sonore. Nos urbanistes nous ont préparé 5 bandes sonores qui nous invitent à découvrir nos paysages citadins d'une nouvelle manière. Je vous propose qu'on s'envoie tout de suite le premier extrait. C'est parti. Ok, on a là entendu beaucoup de choses. Jean, est-ce que tu penses que tu peux nous en dire plus sur cet audio ? Oui, justement, on a décidé d'appeler cette bande sonore « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Ce podcast a été réalisé par Nael Hamaden, Benjamin Goethe et moi-même Jean Arfon Sarr. Dans l'imaginaire collectif, le chat est un sacheur agile, libre de ses mouvements, rôdant dans les champs ou les granges, aux aguets à la moindre souris. Mais qu'en est-il réellement pour un chat domestiqué dans un appartement au cœur de Grenoble? Près de la gare, entre rames de tramway, chantiers bruyants et rues bétonnées. Un peu plus tard, dans ce podcast, dans la soirée, sur les quais de l'Isère, je rejoins mes amis. Nous rions, parlons, profitons de la vie. Puis, soudain, voilà, l'un d'eux aperçoit des souris qui fouillent dans les poubelles. Pas une scène rare ici. Et à cet instant, je pense à mon chat. Enfermé dans l'appartement, lui aussi aurait vu ces souris, mais il n'aurait rien pu faire. Pas par manque d'envie, mais seulement du fait qu'il est ici dans un contexte urbain qui fait qu'il n'est pas libre comme il aurait pu être en campagne. C'est ça donc l'idée de cette bande sonore, interroger la place du vent dans la ville, la domestication des instants, la perte de liberté en échange du confort. On ne parle pas seulement de chats ici, on parle de nos environnements urbains, de la façon dont on cohabite avec d'autres formes de vie, de ce que l'on perd et de ce que l'on gagne à vivre en ville. Entre ville et campagne, entre nature et béton, les rôles changent, les rapports se transforment. Et pendant ces temps, dans les ruelles ou les interstices de nos quartiers, les souris dansent. Parfois sous le regard d'un chat qui les aperçoit peut-être par une fenêtre et qui ne peut rien que les regarder. D'accord. Alors je me pose moi une question et je ne suis pas le seul. Donc je te pose une question et je donne ensuite la parole aux internautes. Ma première question est, j'ai cru entendre un train. Est-ce mon audition qui me joue des tours ou... Eh ben dis donc, tu as l'oreille. Effectivement, le chat regardant par sa fenêtre a une vue directe sur la gare de Grenoble, et en arrière-plan, la Bastille. Un point de vue que les chats de campagne ne peuvent que difficilement s'imaginer. Et c'est en effet là qu'entre en jeu la question du confort du chat, bien entretenu ici. Je dis pas qu'il est plus entretenu que celui en campagne, mais quand même, n'a pas la même liberté que le chat en campagne. Pensez-vous que la ville, de sa part structure, de sa part de ces bruits multiples, laisse encore à la place, à la spontanéité et à la liberté du vivant? Je crois que la ville laisse encore une place au vivant, mais une place plus étroite, parfois à peine audible. Dans le tumulte urbain, les klaxons, les sirènes, les travaux, les moteurs, il faut tendre l'oreille pour entendre autre chose. Pourtant, ils sont là, les oiseaux sur les fils électriques au petit matin. Le froissement discret des ailes de pigeons qui s'envolent d'un balcon. Ce sont les bruissements du vivant non humain, des présences fragiles, souvent masquées par le bruit humain. Mais bien là, in fine, on va dire, la ville impose son rythme. J'ai une question également. Pour vous, Jean, adopter un chat, est-ce l'éloigner de son instinct ou simplement l'adapter à un autre environnement? Sur cette question, je pense qu'il va falloir un peu relativiser. Adopter un chat, c'est à la fois l'éloigner partiellement de son instinct et l'adapter à un autre environnement. En ville, dans un appartement, il ne chasse plus pour se nourrir. Il n'arpente plus de vastes territoires comme il le ferait à la campagne. Mais il est aussi contraint à un cadre de vie qui parfois peut freiner ses élans naturels. Ah, quelle belle mise en bouche. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà très hâte d'écouter le deuxième audio. Il nous est présenté par l'équipe Urbanité. T comme le thé à la menthe. Attention. D'accord. Et bah tu sais quoi, Johan? La parole est à toi. Présente-nous votre travail. Merci Benjamin. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Johan Baraka Fritz. Je fais partie de l'équipe Urbanité et j'ai l'honneur d'être ici avec mes deux compères, Tancarval Laurine et Poturon Robin. Nous sommes tous les trois passionnés par l'étude des sens et nous avons pour ultime dessein de re-questionner la perception des villes. nous sommes partis de la carte des unités paysagères de la ville de Grenoble afin de montrer que celle-ci affiche une vision erronée de la manière dont on perçoit les paysages et ambiances, notamment quand ceux-ci sont urbains. Car pour nous, les ambiances, et ici le son, sont des éléments à analyser à l'échelle la plus précise possible, donc des micro-espaces. Notre protocole a été le suivant. Nous nous sommes rendus dans l'unité paysagère du centre ancien, puis dans celle des contreforts de la Chartreuse, afin d'identifier des espaces limites, c'est-à-dire des micro-espaces qui interfèrent de manière significative avec le déplacement du son selon les micro-aménagements mis en place. Garde-corps, escaliers, murs, coins, tous ces espaces qui nous semblent pourtant si anodins agissent grandement sur l'ambiance sonore d'un lieu. Afin de vous le prouver, nous allons vous faire part de notre travail de terrain. T'entends cet effet sonore ? Eh oui, c'est l'effet d'attique. Mais c'est quoi déjà ? L'effet d'attique acoustique, c'est quand un élément physique, ici le garde-corps du pont, absorbe ou masque une partie du son. Selon ta position, le bruit de la rivière apparaît ou disparaît presque. Donc c'est comme une limite qui bloque certaines fréquences. Exactement, et ce n'est pas un cas isolé. Tu veux un exemple marquant ? Transition ! Transition ! Mais on est où là, Robin ? Bah, là, Lolo, on est au pont Saint-Laurent. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Explique-moi. Eh bien, justement, on parlait d'effet d'attique. Tu vas voir. Mais attends, c'est fou ça. Quand t'es collé au garde-corps du pont, on entend énormément l'Isère. Et là, si je fais un pas en arrière, on dirait qu'elle disparaît presque. Et ouais, et cet effet est applicable à bien d'autres endroits, tu vas voir. Transition. Nous voilà au deuxième palier des escaliers de la Fontaine du Lion. C'est ici que j'ai observé le deuxième effet d'attique. Écoute. On entendait clairement le bruit des terrasses de café alors qu'en montant un tout petit peu, le bruit s'est dispersé. Là, tu vois, on entend beaucoup le bruit de la circulation. Et en plus on monte, plus on entend le son de l'Isère. Et on entend aussi de plus en plus l'objet électroportatif qui paraît de plus en plus vif. Exactement. C'est comme si on avait plusieurs faces sonores sur le même endroit. Comme si d'ici, on pouvait retrouver un peu tout le cliché sonore du quartier Saint-Laurent. Mais maintenant que j'y pense, cela me rappelle un autre effet qui rejoint cette idée de micro-aménagement. Viens avec moi. Transition ! Maudite ! Ok, alors là, on est devant une entrée de cour intérieure. Tu vas voir, c'est assez surprenant. C'est fou, on passe du silence au bruit du café en 2 mètres. Transition. Après les sons, on attaque le goût. On vous promet qu'on ne va pas lécher les murs. Enfin, sauf s'ils ont l'air très bons. Donc voilà, ce que nous avons voulu vous démontrer avec notre expérience, c'est que les micro-aménagements tels que des murs, des escaliers ou même de simples garde-corps peuvent drastiquement modifier l'ambiance sonore d'un lieu. Ces altérations se font par le biais d'effets, comme l'effet d'attique, qui se produit lorsqu'une onde sonore rencontre un obstacle, comme un mur ou un sol, ce qui peut modifier sa propagation. Cela peut affecter la qualité de l'acoustique dans un espace, en rendant les sons moins clairs et en augmentant la réverbération. Cet effet est notamment visible sur le pont Saint-Laurent, où un simple pas modifie grandement l'intensité de du son perçu de l'Isère. Ou encore, lorsque nous sommes montés sur les contreforts de la Chartreuse, au fur et à mesure, et même en changeant d'unité paysagère, l'on aurait pu penser que la végétation ou la verticalité du site modifierait tout, mais en réalité, ce sont des éléments tels qu'un immeuble, l'ouverture du lieu et les escaliers qui restructurent le champ sonore. C'est notamment pour cela que, même à cette hauteur, l'Isère et la circulation étaient si perceptibles. Nous avons également pu percevoir l'effet du fondu enchaîné. C'est ce qui est arrivé lorsque Robin et Laurine sont passés de la rue Saint-Laurent à une cour intérieure par l'emprunt d'un couloir. La transition entre la rue et la cour s'est faite de manière rapide, mais progressivement, avec un croisement entre le décroissement d'une ambiance et de la croissance de l'autre. En somme, ces types d'effets se réfèrent finalement à l'effet de coupure que l'on viendrait caractériser simplement par une chute soudaine d'intensité qui peut être associée à un brusque changement d'enveloppe spectrale ou à de la réverbération. L'effet de coupure est l'un des grands modes d'articulation sonore entre les espaces et les lieux. C'est lui qui établit clairement le passage d'une ambiance sonore à une autre. C'est ainsi que des éléments aussi insignifiants sur le papier jouent en réalité un grand rôle sur l'ambiance des lieux, et ce principe vient remettre en perspective les échelles d'analyse qui doivent s'appliquer à leurs études. Ah, je vois que nos étudiants ont beaucoup d'inspiration. Une inspiration qui interpelle, car j'ai ici une auditrice qui a une question pour vous. Oui, exactement, j'ai une question. Donc, comment avez-vous décidé des endroits où vous vous êtes arrêté pour écouter ? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes partis de la carte des ambiances paysagères de la ville de Grenoble. Le but était d'enregistrer ces effets de coupure sur deux unités paysagères. Pour ce faire, nous sommes passés par une phase de déambulation entre les deux, en ayant l'oreille bien tendue, évidemment. Et on s'est rendu compte, encore une fois, que les unités de la carte avaient des frontières troubles, car ce qui importe réellement, c'est la morphologie des lieux et l'aménagement des micro-espaces. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que ces effets dont vous parlez peuvent aussi se retrouver dans la nature ou c'est surtout en ville ? Évidemment. La nature est le premier architecte de cette planète. Les montagnes, les reliefs ou même un simple arbre peuvent tous participer à cet effet de coupure. C'est l'agencement d'un objet qui va réellement impacter. D'accord. Notre troisième groupe, constitué d'Emeline, de Najma et de Titouan, est parti pour nous à la quête de refuge sonore en ville. C'est à vous de jouer maintenant. Merci Benjamin. Alors oui, du coup, Emeline, Titouan et moi, on a voulu faire autre chose. Donc là, je parle par expérience. Donc qui, après une longue journée de travail, n'avait jamais cherché un coin pour se reposer, pour se couper de la ville et de son effervescence, mais sans pour autant parcourir des kilomètres, peut-être... Enfin, je veux dire, on a déjà tous tenté de se poser sur les berges de l'Isère ou autre part, ou encore de monter quelques marches, chercher la proximité des arbres, attirés par cette intimité qu'ils nous offrent. Comme vous l'avez compris, je l'espère, nous allons parler de refuge, plus précisément de refuge pour les oreilles. C'est surtout parce que la ville est un environnement hostile pour nous, c'est ce que nous considérons, parce qu'on a plus l'habitude de se couper du monde extérieur en mettant un casque sur nos oreilles pour écouter de la musique et du coup s'isoler des sons urbains et de la ville. Donc moi, je vais me permettre en premier de parler de ce qu'est un refuge. Je me suis permise de reprendre la définition de refuge d'un travail qui a été fait par les Master 1 dans le cadre d'un atelier. Je l'ai adapté à donc, notre notion de refuge sonore. Donc nous définissons ici le refuge sonore comme un lieu où la dominance sensorielle est inversée, c'est-à-dire que le bruit de la circulation est masqué, l'odeur du béton disparaît et la lumière artificielle s'estompe. Ainsi, le nom humain prend le dessus. Par le nom humain, je veux dire le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles ou encore la présence animale. Donc pour cela, nous sommes partis en quête des lieux où nous pouvons bien évidemment reposer nos oreilles. Nous avons commencé par suivre notre intuition, naturellement, qui a été d'abord de quitter la ville en prenant de la hauteur dans le jardin des dauphins. Puis, nous sommes descendus pour longer l'Isère et le bâti ancien des quais Saint-Laurent, avant de remonter sur les versants boisés pour rejoindre le musée dauphinois. Je vous invite tous maintenant à écouter cette traversée paysagère en quête de refuge sonore. Nous démarrons notre quête du refuge sonore au jardin des dauphins. Le brouhaha des conversations, le souffle des coureurs et le bruit du trafic qui remonte nous saturent les oreilles. Déçus, nous décidons de longer l'Isère dans l'espoir que la proximité de l'eau nous coupe de ce chaos. Malgré le clapotis de l'eau, le bruit de fond n'en est pas moins présent. Notre regard se tourne alors vers la fontaine au lieu. arrivé ? Le bruit est assourdissant, piégé entre l'eau et la circulation toute proche, nous décidons de monter quelques marches. Nous espérons que l'étreinte des murs en pierre nous offrira une forme de quiétude. Guidé par le doux gazouillis des moineaux, le brouhaha urbain semble s'estomper peu à peu. Nous nous posons ensuite un instant sur un banc, profitant d'un instant de répit. Poursuivant notre immersion dans les contreforts de la bastille, nous nous glissons sous une arcade dans l'espoir qu'elle nous coupe de l'hostilité sonore de la ville. Sous l'arcade, les sons sont amplifiés et déformés. Nous descendons et nous dirigeons vers le musée dauphinois, cherchant un ultime sanctuaire. Et enfin, nous y sommes, la cour du musée nous enveloppe dans son silence, la douce étreinte de ses murs agissant comme un bouclier. On est bien d'accord, à la fin, on a bien trouvé notre lieu de refuge et le silence qu'on cherchait finalement. Voilà, ça fait plaisir. Pour mes oreilles, bien évidemment. Et pour toutes les oreilles de tous nos auditeurs, je suppose. Ah, une quête oui. Pleine de rebondissements. Et on va passer à notre temps habituel de questions. Votre quête est particulière. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi ce parcours. Oui, alors, on a l'impression en fait qu'on va un peu dans tous les sens parce que au départ, on est en hauteur, puis on redescend, puis on longe les berges. Et ensuite, on remonte. Alors, oui, non, ce n'était pas vraiment dans tous les sens. Mais c'est qu'au départ, quand on a commencé, on s'est dit, on va prendre de la hauteur parce que c'est là où il y a de la végétation. C'est là que peut-être on aura plus de contact avec la nature. C'est pour ça qu'on a commencé en hauteur. Donc, on est arrivé en hauteur et on n'a pas trouvé le silence. Donc, il y avait bien évidemment les végétaux, les arbres, etc. Il y avait tout pour avoir une atmosphère de calme. Mais ce n'était pas le silence qu'on cherchait. Donc on s'est dit, on va redescendre, on va longer l'eau. Pourquoi l'eau ? Il y avait des aménagements, donc il y a le mobilier urbain donc sur les quais qui sont aménagés justement pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se poser et pour pouvoir donc entendre le fil de l'eau, le bruit de l'eau. On l'a fait et on n'a pas entendu l'eau puisqu'on n'entendait que le bruit des voitures. Là encore, on n'a pas trouvé le silence qu'on cherchait, du moins le refuge sonore qu'on cherchait. Et puis on s'est dit, on va essayer de remonter, donc de reprendre de la hauteur, mais cette fois-ci pas près des espaces verts, donc avec les végétaux, etc. On s'est dit, on va essayer de se poser dans un endroit un peu hors du commun, hors des végétaux. Et on a trouvé le musée dauphinois. Et c'est là, finalement, qu'on a trouvé le refuge pour nos oreilles, entre quatre murs. Enfin, je dis quatre murs, bien évidemment. Vous avez compris, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que le refuge sonore n'est pas forcément comme dans nos conceptions habituelles, là où se trouve la nature, le bruit des oiseaux, etc., mais plutôt là, entre des bâtis qui, justement, par le bruit de la ville. Et c'est à cet endroit-là qu'on n'entendait plus la ville. Et c'est là que c'était merveilleux pour nos oreilles à nous trois. Voilà. Je comprends mieux. D'accord, c'est maintenant plus clair pour tout le monde. Et quelle conclusion en tirez-vous donc ? Que finalement, après, c'est relatif à chaque être humain, mais pour nous trois, ça a été vraiment pour le coup, le béton, si je peux vulgariser la chose, qui a permis notre refuge sonore. Et non pas le végétal, comme on pourrait tous le penser habituellement. Voilà. Ok. Je vous propose maintenant qu'on passe au quatrième groupe, qui vont nous parler encore des vélos, mais dans un contexte différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. À vous les micros. Au début, il n'y a presque rien. Un souffle, la chaîne qui s'enclenche. Le premier coup de pédale, puis les sons arrivent, un par un. Le bitume qui vibre, le vent, les frottements, le rincement du vélo. Ce qu'on entend ici, ce n'est pas juste un trajet, c'est le vélo qui nous parle. Dès qu'on prend le temps de l'écouter. À ce moment-là, on réalise qu'on avance entre deux silences. Celui du corps et celui du paysage. On traverse la ville, les feux rouges, les klaxons, puis on ajuste la vitesse, les changements de pédale. Chaque moment devient un repère, un rythme dans la ville. Et puis, une petite montée, le souffle se fait plus présent. Le corps reprend sa place dans le paysage sonore. On sent la force dans les jambes, les roues qui mordent le sol. Même l'effort devient musical, un rythme intime qui dialogue avec le vent et l'eau. Pour entendre le bruit du vent, les feuilles qui tombent en novembre, les feuilles sous la roue même, les oiseaux aussi quand même, au printemps, qui rechantent plus. Moi je trouve qu'on profite plus de la balade que si on fait la même en voiture, mais ça me semblait évident ça. Et on s'arrête, la ville, la nature, le silence, le vélo se tait. Ce trajet, c'était exactement ça, pédaler entre deux silences. Effectivement, vous ne m'aviez pas menti, c'est un point de vue sonore que je n'avais jamais pris. Et je crois que je ne suis pas le seul, car j'ai ici quelqu'un qui souhaite interagir. Oui, j'ai en effet une question pour mes chers collègues passionnés par le vélo. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette thématique ? Alors, pour nous, le vélo, c'était le moyen parfait pour écouter le paysage sonore. Mais seulement le paysage visuel. Sur place, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de cyclistes, des promeneurs sur les berges de l'Isère. Alors, on a décidé de prendre aussi nos vélos et s'est mise vraiment dans la peau d'un cycliste pour expérimenter le lieu. Alors, contrairement à la voiture, au bruit de la ville, le vélo ne couvre rien. On s'est même dit, pourquoi ne pas prêter attention au son du vélo lui-même ? C'est pour ça qu'on a parlé de pédaler entre deux silences, celui de la ville, dense et bruyant, et celui du corps, plus intime et calme. Alors du coup, le vélo devient un véritable outil d'écoute qui nous permet de nous immerger complètement dans le paysage sonore et de sentir le territoire à travers tous ses sons. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Comment et par quels moyens avez-vous travaillé le paysage sonore ? Alors, c'est une bonne question. Donc, pour travailler le paysage sonore, on a combiné l'observation, l'immersion et l'enregistrement direct. On a surtout utilisé le vélo parce qu'il nous permet de nous déplacer doucement, sans faire de bruit et de vraiment ressentir la ville et la nature. On a écouté plein de choses en ville. La circulation, les klaxons, et on s'approche de la nature, le changement du sol, il y a le vent, les arbres, et enfin dans la nature, le courant de l'Isère, les oiseaux, le vent dans les feuilles, et les promeneurs, et même notre propre respiration. Le vélo nous a permis de devenir presque invisibles et de capter des sons qu'on n'entend pas en voiture ou à pied. Ensuite, on a organisé tous ces sons pour raconter une progression qui va de la densité urbaine jusqu'au calme et au silence naturel, en mettant en valeur toute nuisance sonore qu'on perçoit sur le trajet. Ah, les vélos, les vélos, les vélos. Eh oui. Bon, les amis, l'émission touche bientôt à sa fin, mais rassurez-vous, ce n'est pas encore terminé. Les vélos, les voitures, les piétons et même les animaux, tous pratiquent les sols. Et c'est ces derniers que le groupe numéro 5 a décidé d'interroger. Allez, on vous écoute. Doucement, j'ai pas une piste de course. Tu sais combien de pneus, de trottinettes et de semelles je me tape par jour ? Franchement, moi j'en peux plus. Et en plus, je suis imperméable, comme un parapluie fermé. Résultat, l'eau ruisselle, chauffe, stagne. C'est la fête aux inondations. Et avec le soleil, j'absorbe la chaleur. Je crée même des îlots de chaleur urbains. Une vraie fournaise. Alors ouais, je suis utile, mais écologique. Ah, Joker. Et ben voilà, tu quittes enfin ton bitume grincheux. Moi, je laisse l'eau s'infiltrer, je respire, je suis vivant quoi. Je fais pousser des plantes, j'abrite des vers de terre, et je limite les inondations sans faire de bruit. Bon, je t'avoue, quand il pleut, je glisse. Mais personne n'est parfait. Et moi, je me prends pas pour un sol de luxe. Bio, local, circuit court, je suis la star de la transition écologique. Approche, mais marche doucement. Ici, il y a tout un monde qui bosse. Les champis, les racines, les bestioles, tout se décompose, tout se recycle, tout est nutrition. Un cercle vertueux, et pas une déchetterie. C'est pas Disneyland, c'est l'écosystème. Et toi, tu passes juste pour faire crunch, crunch sur mes feuilles. Je t'aime bien, mais fais gaffe où tu mets les pieds. Oh là là, attends, doucement. Tu sais que je suis ultra sensible. Chaque pas résonne dans tout mon squelette. Bam, bam, bam, je suis pas une batterie. Mais bon, au moins, on voit que je suis solide. Par contre, quand il fait froid, je deviens un glaçon. Mais niveau environnement, je suis recyclable à l'infini. L'acier, c'est le phénix des matériaux. Tu me refonds et je renais. Ouais. Viens par là. Ici, c'est chill total. Tu poses ton pied, je t'engloutis doucement. Je ralentis tout, je suis l'anti-stress naturel. Bon, parfois, je rentre dans les chaussures, ok. Mais c'est ma façon à moi de dire coucou. Tu m'en voudras pas trop. Et dis à l'Isère de se calmer un peu, là. Elle me grignote tous les hivers. Je vais finir chauve, moi, à la fois. Eh ben, dis donc, les sols ont beaucoup de choses à nous dire. Mais c'est maintenant vous que j'aimerais faire parler, car j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire parler les sols ? Qu'est-ce que cette idée vous permettait de montrer ou de faire ressentir ? Alors, on a choisi de faire parler les sols parce que c'est C'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude de voir au quotidien, qu'on en oublie son bruit et son impact que ça a sur notre vie. Ce choix permet de montrer la diversité de sols qui peut se trouver dans notre quotidien, car chaque matériau a sa propre ambiance, en particulier sonore. Et je pense que par ce travail, nous serons plus à l'écoute de ce qu'il y a sous nos pieds. Dans nos capsules sonores, on a décidé de faire parler les sols de deux manières. L'ambiance sonore du matériau et sa personnification, pardon, en lui donnant une voix et des émotions qui lui correspondent. Alors moi j'ai une question aussi. Dans votre podcast, chaque matériau parle de sa réalité écologique. Lequel symbolise le mieux la transition selon vous ? Alors en fait, n'importe quel matériau peut être très bien pour la transition écologique. Il faut simplement qu'il y ait quelques paramètres importants, comme que l'eau soit absorbée et que, pareil, la chaleur soit absorbée, surtout en été. Parfait. J'ai également une petite question. Selon vous, quelle place le sonore devrait-il prendre dans la conception des espaces publics ? Pour moi, le sonore doit vraiment avoir une place importante dans la conception des espaces publics. On pense souvent à ce qu'on voit, mais beaucoup moins à ce qu'on entend, alors que le son influence directement notre confort. L'idée, c'est pas seulement de limiter le bruit, mais de créer une ambiance sonore agréable. D'abord, un bon environnement sonore améliore le bien-être. On peut utiliser des matériaux qui absorbent le bruit ou prévoir des zones calmes pour se détendre. Et puis le son peut donner une identité au lieu. Une fontaine, des oiseaux ou même une installation artistique peut changer totalement l'atmosphère d'un lieu. En fait, si on pense vraiment le sonore, dès le départ, on crée des espaces publics plus agréables, plus instructifs et plus vivants. Très intéressant tout ça. J'ai deux dernières questions pour vous avant de clôturer cette émission. La première serait... Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en enregistrant tous ces sons ? Ce qui nous a le plus surpris, c'est surtout la forte présence sonore du trafic routier. Même si on prend de la hauteur ou de la distance, on entend toujours le trafic routier. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience pour votre futur métier d'urbaniste ? Ce qu'on retient de cette expérience pour notre futur métier d'urbaniste, c'est surtout l'importance d'adopter une approche sensible et globale de l'espace. Et j'ai compris que concevoir un lieu ne se résume pas à organiser des formes ou des fonctions. Il faut aussi prendre en compte les ambiances, les usages réels et la manière dont les personnes vivent et ressentent l'espace au quotidien. Cette expérience nous a également appris à observer autrement et à écouter, à analyser ce qu'on ne voit pas forcément, comme les sons, les flux ou les perceptions. Enfin, elle a montré que l'urbanisme doit toujours chercher à créer des espaces plus agréables et plus adaptés aux besoins de tous. Eh ben dis donc, le futur de nos villes est dans vos mains et on vous fait confiance. Chers auditeurs, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez découvert une nouvelle façon de voir nos paysages avec vos oreilles. C'était l'urbanisme en parole. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles découvertes urbanistiques.